4 heures du matin. C'est l'instant le plus lourd. Les portes sont fermées. Les fenêtres sont vides. Il faut faire son choix. Elles viennent les rides. Il va bientôt faire jour. Il fait déjà presque froid. Je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine et le fond de mon orgie. Je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine et le fond de mon orgie. 4 heures du matin, c'est l'un des derniers vers. Dans les ombres étranges et les bouteilles vides, il va falloir sortir dans cette rue humide, là où le vieux malaise me fait presser le pas. Je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine et le fond de mon orgie. Et je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine et le fond de mon orgie. 4 heures du matin. Quelque part là-bas, le soleil d'aube larmoie sur des champs inondés. Je vais bientôt courir et me jeter vers toi. Je viens m'anéantir, me sourire dans tes bras. Et je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début de ma haine et le fond de mon orgie. Et je veux te dédier ma migraine, mon ennui, le début.